Bien sûr que le Job Center a affaire avec l'Europe. À cause de la libre circulation? Et pour l'égalité de traitement? Parce que tout le monde pourrait venir comme ça et simplement... Quoi? Avoir les mêmes chances? Oui, en principe, les États membres de l'Union européenne ont établi ensemble des directives sur la libre circulation et l'égalité de traitement des citoyens, citoyennes de l'Union. Mais c'est une entreprise énorme. Imagine 650 millions de personnes qui peuvent soudain se déplacer librement. Ça fait un peu peur. C'est pas si soudain. Les gens ont toujours voyagé pour essayer des nouvelles situations, trouver de meilleures conditions de vie. Les États peuvent toujours essayer d'arrêter, de contrôler ou d'encourager ça. D'ailleurs, la plupart du temps, ils essayent tous les trois. Comment ça, essayer? Oui, comme je l'ai dit, il y aura toujours des gens qui voudront aller ailleurs. Heureusement, au sein de l'Union européenne, l'objectif est justement d'encourager ces mouvements, car les États membres y voient une chance pour les personnes, pour leurs familles, leurs communautés, leurs cultures, de mieux se connaître et de se lier plus profondément. Ça fait partie de l'intégration européenne. Qu'est-ce qui a encouragé? Oui, si je trouve un emploi ailleurs dans l'Union, il sera plus facile pour moi de m'y installer. Mais est-ce que je peux simplement aller quelque part, sans travail, être soutenu par l'Europe? Ok, non, pas vraiment. Seulement dans un certain cadre. Donc, disons, l'Europe et les États membres encouragent et contrôlent. Et quel rapport avec le Job Center? Ces directives communes doivent être mises en œuvre. Ça se passe différemment dans chaque État et à travers les administrations nationales. Et le Job Center, c'est l'agence pour l'emploi en Allemagne. Exactement. Et c'est pour ça que cette agence a beaucoup à faire avec la libre circulation... des travailleurs et des travailleuses de l'Union. Notamment sur la question de l'égalité de traitement avec les nationaux. Qu'ils aient les mêmes droits? Surtout, dans quelle situation ils ont accès aux mêmes droits? Cette transposition des directives doit s'adapter aux situations réelles des personnes. Certaines situations soulèvent des questions auxquelles seule la Cour européenne de justice peut répondre. Du Job Center à la Cour de justice européenne? Oui. Il y a eu plusieurs litiges ces dernières années en Allemagne, à Leipzig, Berlin et Krefeld. Le Job Center a pris des décisions contre lesquelles les personnes se sont battues devant les tribunaux. Comme il s'agissait de citoyens de l'Union, les tribunaux régionaux n'étaient pas sûrs de la manière dont ils devraient qualifier les situations en termes d'égalité de traitement. Dans ces cas, ils demandent à la Cour de justice européenne de trancher. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? À Leipzig, une maman célibataire de Roumanie, sans emploi et sans formation, a demandé des prestations de sécurité sociale de base pour elle et pour son enfant. Ça a été refusé deux fois par le Job Center. La deuxième fois, elle a saisi le tribunal. Le tribunal social était d'accord avec la décision du Job Center, mais il n'était pas sûr que ça n'entre pas en contradiction avec les directives de l'Union, car les citoyens allemands dans la même situation auraient droit à ces prestations. Et donc la mère et l'enfant seraient discriminés. Et que peut décider la Cour européenne de justice? Elle décide conformément aux directives européennes si la personne remplit les conditions pour être traitée comme une citoyenne allemande. Et alors? Les conditions n'étaient pas remplies. Comment? Ils ont pourtant leur passeport européen? L'élément déterminant pour la Cour européenne de justice est que cette personne n'a jamais travaillé et n'est manifestement pas à la recherche d'un emploi. L'État n'a donc plus l'obligation de fournir les mêmes prestations de l'Agence pour l'emploi qu'aux Allemands. Donc, en tant que citoyen de l'Union, dans un autre pays que le mien, si je ne travaille pas ou cherche activement du travail, je ne suis pas tout à fait un citoyen de l'Union. Peu après, en 2015, un cas similaire s'est produit à Berlin. Il s'agit d'une famille suédoise avec un parent célibataire. La maman et l'une des filles ont travaillé, puis au bout d'une année de travail temporaire et intermittent, elles ont été obligées de s'inscrire au chômage. Le Job Center leur a accordé des allocations de chômage et des prestations de base. Ah, bah c'est bien d'entendre que ça fonctionne. Or, à la même époque, et indépendamment de notre cas, le gouvernement allemand a émis une réserve concernant la Convention européenne d'assistance sociale et médicale sur l'obligation de la République fédérale d'Allemagne de fournir les mêmes prestations aux ressortissants d'autres États membres qu'aux siens. Comment ça? Oui, je sais, ça semble un peu raide. Aussi abstrait que cela puisse paraître, ça a eu des conséquences directes pour cette famille. Le Job Center en a profité pour supprimer toutes les prestations. Mais c'est insensé! La famille était du même avis et a saisi le tribunal. Le tribunal a estimé que la décision du Job Center était également illégale et l'a annulée. Le Job Center n'a pas lâché l'affaire et a déclaré qu'en tant que demandeur d'emploi citoyenne de l'Union, elle n'avait pas droit à l'aide sociale. Le tribunal a accepté l'objection, mais comme elles ont travaillé, le tribunal social a voulu jouer la carte de la sécurité et a demandé à la Cour européenne de justice si l'interruption des prestations était contraire à la directive anti-discrimination. Et alors? Rien à redire. La Cour européenne de justice n'a pas vu de raison de contester la décision. Parce qu'elle ne travaillait plus ? Tout à fait. Dans l'Union européenne, l'emploi est un élément déterminant du statut de citoyen de l'Union. Mais quand même, ça ne signifie pas que l'Union nous laisse tomber quand une fois ça ne marche pas avec un emploi. Les choses changent un peu. La directive, c'est-à-dire l'idée, est déjà que les travailleurs, travailleuses aient les mêmes chances et les mêmes garanties que leurs collègues nationaux. Même ou surtout s'ils amènent et élèvent leur progéniture. Et ça, le Job Center ne l'avait pas complètement intégré. Ah, c'est encore une de tes histoires. Tu sais, les arrêts de la Cour de justice permettent de suivre ces changements dans l'Union. La législation est adoptée par le Parlement européen, c'est-à-dire par les députés que chaque pays élit tous les 5 ans, en collaboration avec le Conseil des ministres de l'Union européenne. Pour que les intérêts de tous les États membres puissent être pris en compte, la législation est ouverte et vague. Ça donne à la Cour de justice européenne une tâche énorme. En cas de litige, elle doit par exemple tisser et interpréter les lacunes et les espaces vides laissés dans les règlements européens et les particularités des lois nationales. Mais cela donne aussi à la Cour un rôle important. Ces arrêts sont alors des interprétations concrètes sur la manière dont ces dispositions se traduisent dans la vie quotidienne. Et ce non seulement pour les parties au litige, mais comme référence, ou comme on dit dans le droit, des précédents pour les jugements futurs. Ça signifie que plus aucun citoyen de l'Union au chômage n'a de chance d'obtenir une allocation de base dans un autre État de l'Union que le sien. Oui et non. Ah, ta dernière affaire. Un père célibataire et ses 2 enfants s'installent en Allemagne, près de Düsseldorf. Le Polonais travaille en tant que spécialiste et scolarise ses 2 jeunes enfants en Allemagne. C'est son devoir et c'est leur droit. Après une incapacité de travail, il perd son emploi et le Job Center de Krefeld accorde à la famille la protection de base et des allocations de chômage. Après 6 mois, le Job Center supprime les prestations car le père est inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de 6 mois, perdant ainsi son droit à l'égalité de traitement. 6 mois après la décision, le parent retrouve un emploi et saisit le tribunal social pour obtenir rétroactivement les prestations pour la famille. C'est comme l'affaire précédente, ça n'a aucune chance. Dans ce cas, le tribunal allemand a de nouveau un doute sur l'égalité de traitement, mais cette fois-ci pas au sujet du parent, mais pour les enfants scolarisés. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que les enfants ont à voir avec l'agence pour l'emploi ? Grâce à l'activité professionnelle du parent, les enfants qui vivent avec lui ont droit à l'éducation. Ça ne signifie pas seulement qu'ils peuvent, voire doivent, aller à l'école, mais qu'ils ont aussi le droit à la même assistance parentale que leurs camarades allemands. Ce droit vise à l'égalité de traitement et de chance dans l'éducation des enfants de l'Union européenne. Et que décide la Cour de justice européenne ? Contrairement aux 2 premières affaires, la Cour a jugé que la suppression des prestations du Job Center était contraire aux directives de l'Union européenne. Parce que cela signifierait que le père a certes un droit de séjour, mais pas de sécurité de base. Et donc, il devrait quitter le pays s'il veut continuer à vivre. En fait, le droit à l'éducation et à l'assistance parentale de ses enfants l'ont sauvé. Évidemment, le fait que le père ait rapidement retrouvé un emploi et que ses 6 mois d'allocation ne représentent pas une charge excessive pour le système joue également un rôle important. Néanmoins, la Cour de justice européenne a élargi le champ d'application de l'égalité de traitement des citoyens de l'Union vis-à-vis du Job Center. Ils ne sont pas seulement des travailleurs, mais peuvent également être des parents qui ont la charge de leurs enfants. Ainsi, elle a en quelque sorte attribué au Job Center un rôle plus important dans l'intégration européenne. Mais alors, la Cour ne contredit-elle pas ses propres jugements ? Non. Une situation similaire peut être interprétée différemment sur la base de nouvelles directives ou d'un examen plus large des circonstances qui l'accompagnent. Ce nouvel arrêt reflète également l'évolution politique et sociale entre 2015 et 2020. L'égalité de traitement est devenue une question importante dans toute l'Europe, notamment dans le monde du travail.